Chapitre 5e. Celui qu'on croyait loin. La journée passa longue, infinie, et la soirée s'annonça angoissante. Quant à la nuit, elle fut horrible, coupée d'épouvante, de sursauts au moindre bruit, de frémissements au simple craquement de meubles. Le général garda allumées toutes les lampes électriques de sa chambre à coucher. À portée de sa main, bien qu'il crût le prince Grigorievski insensible au bal, il mit deux énormes revolvers et son sabre de cosaque qui fendait admirablement les casques et les crânes. « Aucune cuirasse ne lui résiste, se dit-il, et si j'atteins le prince, là où mon revolver ne produirait aucun effet, mon sabre ne faillirait pas. » Mais la nuit se passa en veille inutile, en alerte vaine, en alarme sans raison. Personne ne parut, ni le prince Grigorievski, ni les terribles fantômes dont le prince le menaçait. Le prince Grigorievski qui prétendait avoir la puissance de commander aux habitants de l'au-delà. À la pointe du jour, à son heure habituelle, le général quitta sa chambre. Il descendit dans la salle des armures, où, sur un coin de la solide table de vieux chêne, son petit déjeuner du matin se trouvait servi. Sans trop d'appétit, car une nuit de veille ne vaut rien, le général machinalement vint s'asseoir devant la table dans son grand fauteuil, et il se pencha sur le petit déjeuner qui était composé, comme à l'ordinaire, d'énormes tranches de viande froide, de poisson fumé, de concombre au sel et de l'inévitable pot de caviar. Il se fit de larges tartines de caviar, avala quelques concombres avec les poissons et engloutit sans les couper, sans les mâcher, des morceaux de viande large comme les assiettes. Il arrosa ce petit déjeuner de bols de thé brûlants et couronna le tout de verres d'eau-de-vie. Les verres dans lesquels le général prenait son eau-de-vie étaient de ceux qui généralement servent pour le vin ordinaire. Puis, il alluma un gros cigare et il descendit faire un tour dans son jardin. Puis, rassuré maintenant qu'il faisait jour, il respira. « Allons, se dit-il, ce n'est pas encore aujourd'hui que nous verrons les fantômes. » Après une promenade d'une heure, il rentra et, tout habillé, il se jeta sur le lit de camp de la grande salle et s'y endormit de ce sommeil de plomb qui le prenait en campagne. Des ordres formels avaient été donnés au personnel. Sous peine de bastonnade, de renvoi, il ne devait laisser entrer personne dans l'hôtel. Ossip, qui avait transmis ses ordres, plus rassuré également après une nuit également tourmentée, alla de son côté prendre un peu de repos pendant que son maître dormait. De toute la nuit, lui aussi, il n'avait pu fermer l'œil, et l'émotion, la hantise, la peur de l'inconnu, la terreur de l'au-delà l'avaient absolument accablé. « Quand on a affaire à des hommes, se disait-il, on les tue, et on est tranquille, mais quand ce sont des fantômes, on est leur esclave. » Maintenant qu'il faisait jour, sachant que les fantômes ne le viendraient troubler ni lui ni son maître, il alla dormir, après avoir donné à un domestique la consigne de le réveiller quand le général sortirait de son sommeil. Ossip pouvait reposer tranquillement, en toute confiance. La maison était bien gardée et le prince, cette fois, ne pourrait, quoi qu'il fît, y pénétrer ni par force ni par surprise. En effet, le général et son majordome purent demeurer plongés dans leur profond et lourd sommeil de longues heures, jusqu'au moment du déjeuner, sans que rien vînt troubler le repos dont ils avaient si grand besoin. Quand le général s'éveilla, Ossip se trouvait dans la salle des armures, près de la porte, attendant ses ordres. Le général, en l'apercevant, s'écria « Ah, c'est toi! Eh bien, quoi de nouveau? Rien, mon général, parbleu !» Le général haussa les épaules, comme on fait au souvenir d'une terreur vaine. Puis il commanda « À déjeuner !» On lui servit un repas, dont toute une famille se fut rassasiée amplement. Le général ne laissait pas enlever un plat sans l'avoir vidé. Les bouteilles étaient renouvelées, les vins changeaient chaque fois. Ah, vraiment, ce n'était pas l'appétit d'un homme dont l'estomac est serré par la peur. On servit le café. « Faites venir aussi !» commanda le général. Quand l'intendant parut, le général lui dit « Prends le café avec moi !» Parfois, quand le général était de bonne disposition, ou quand il avait à parler à faire, ou quand il avait besoin d'avoir quelqu'un avec qui se disputer, à qui faire supporter sa mauvaise humeur, il accordait à Ossip cette faveur de prendre le café à sa table, ou de sécher avec lui les cruchons de liqueur. Ossip buvait fort bien aussi. Il tenait tête au général, et comme lui avait reçu ce précieux don de la nature de pouvoir absorber quantité d'alcool, sans jamais en ressentir les stupéfiants effets. On boit mieux à deux, et il est, paraît-il, admirable de trouver un compagnon avec qui on peut boire indéfiniment. au cours de ses agapes alcooliques, aussi veillé à ce que jamais le verre de son maître ne fût vide, le sien non plus. À boire ainsi, à fumer sans dire un mot, ils passèrent une partie de l'après-midi. Vers le soir, le général dit à son majordome « Allons prendre un peu l'air avant de dîner. » Ils descendirent au jardin, et tranquillement, très d'aplomb, solides sur leurs jambes, comme s'ils n'avaient bu que de l'eau pure, ils se promenèrent dans la grande allée du jardin, sous les arbres centenaires, dans le feuillage desquels les moineaux parisiens cherchaient, en piaillant à plein bec, leurs branches pour passer la nuit. Le général, qui marchait courbé à son habitude, regardant à trois pas devant lui, tout à sa pensée, dit enfin, au bout d'un long moment de promenade, « Il n'est pas revenu ?»« Non, mon général, » répondit Ossip. « Il ne reviendra pas ?»« Non, mon général. » Nouveau silence très long, puis le général reprit. « Il a bien vu qu'il n'y avait rien à faire ?»« Oui, mon général. » »« Il a compris que tout ira à Johanna ?»« Oui, mon général. » La promenade se poursuivit encore silencieusement. Mais, fit au bout d'un grand moment le général, « Mais quand même, il faudrait ne pas perdre de vue cette affaire, je le crois. Depuis 2 ans que nous habitons Paris, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés qu'à Varsovie. Je le crains. Ça ne peut durer plus longtemps. Non, mon général. Tu es sûr des renseignements qu'on t'a donnés ? Oui, mon général. On t'a dit que Johanna et Amédéa se tiennent à Paris sous le voile de l'incognito ? Oui, mon général. Eh bien, il faut que nous arrivions à lever ce voile de l'incognito. Il faut que nous sachions où elles sont. C'est absolument nécessaire, et cela dans le plus court délai possible. Dès demain, je me remettrai en campagne. Je crois que pour aller plus vite, pour marcher plus sûrement, nous devrions nous faire aider par l'administration française. C'est mon avis. On m'a signalé Paulin Broquet autrefois comme étant un détective merveilleux, et c'est exact. Je le chargerai de l'affaire. Mon général aura raison. Par lui, si Johanna et sa fille Amédéa sont à Paris, même sous le fameux voile, nous le saurons tout de suite. Peut-être bien. En tout cas, en le prévenant, nous protégerons sans aucun doute la divine Johanna contre les entreprises du prince, car il ne manquera pas, s'il la découvre, d'essayer contre elle quelque perfidie. C'est probable. Ah, il est bien le fils de son père, homme de toutes les infamies pour de l'argent. J'en ai peur. Après un nouveau silence, le général s'écria tout à coup. Il y aurait peut-être un moyen de nous en débarrasser. Lequel, mon général ? Le signaler comme chef de complot anarchiste. Ossip secoua la tête. Difficile, ici, à Paris, un prince. En République, un prince, ça ne doit pas compter. Au contraire, mon général, la noblesse n'a jamais été autant recherchée. Depuis que la France est en République, et qu'elle a aboli la noblesse, il pousse tous les jours des nobles. Il y a autant de gens titrés que de gens ayant les palmes académiques. Tout le monde, alors ? À peu près. Un prince, sans le sou, gueux resplendissant, bohème mondain, ne vivant que grâce au concours de ses bons cousins, les 4 rois de ces dames des 4 couleurs et quelques autres, peut commettre les pires escroqueries. En République, il sera toujours soutenu, défendu. On lui donnera toujours raison. Les gens qu'il aura escroqués seront même très fiers d'avoir été choisis par lui pour dupe. C'est de la réclame. On prétend même qu'un bijoutier à qui un membre de famille royale avait volé un colis magnifique ajouta sur ses annonces « Fournisseur honoraire de la cour d'Illyrie. » L'imbécile. C'est comme cela. Donc, mon général, permettez-moi de vous dire que dans ces conditions à Paris, vous n'avez aucune chance de faire admettre que le prince Grigorievski est un anarchiste qui trame un complot contre la vie du tsar. Nous courons à un échec certain. Que faire pour nous débarrasser de lui ? D'abord, lui donner à entendre qu'ici, dans la maison, mon général ne garde ni valeur, ni titre de propriété, rien que l'argent nécessaire pour la vie quotidienne. Oui, c'est une idée. Et lui dire que la fortune du prince Tobolski est en sûreté, dans un endroit caché que jamais mon général ne devra livrer. Ça, c'est certain, jamais il ne le saura. Alors, fatigué, là, il abandonnera l'espoir de rentrer dans ses biens, et il fuira, mon général, comprenant qu'il n'a rien à espérer de ce côté. Le général réfléchit pendant quelques instants tout en marchant. Tu as raison aussi. C'est le seul moyen de garder cette fortune pour la rendre à Johanna quand nous l'aurons découverte. Le général et Ossip poursuivirent leur promenade. Ils étaient redevenus silencieux et sombres maintenant, gardaient la tête penchée, comme ployés sous le poids de trop lourds souvenirs soudain évoqués. Ils marchaient tout de lentement, et s'étaient mis instinctivement au pas, par vieille habitude militaire. L'allée qu'il parcourait faisait le tour d'une pelouse que dominait un massif fleuri. Elle courait devant une sorte de pavillon de repos, de kiosque d'été, qui se trouvait au fond du jardin, au bout opposé à la maison. Plusieurs fois, le général et Ossip, au cours de cette promenade, passèrent devant ce kiosque dont la baie grande ouverte laissait voir absolument tout l'intérieur. Machinalement, pour voir autre chose que le gravier du chemin, le gazon de la pelouse, les quelques fleurs du massif, ils jetaient, en passant, les yeux dans ce kiosque que meublaient deux ou trois fauteuils d'osier. Mais leur regard ne s'y arrêtait pas. Ils glissaient, pour ainsi dire, sur ce tableau familier qui, par rien, ne retenait l'attention. Cette fois encore, le général et Ossip, silencieux, en marchant, regardèrent rapidement dans le kiosque. Mais tous deux aussitôt firent un bond en arrière. Dans l'un des fauteuils, paisiblement assis, à l'aise et comme chez lui, se tenait, fumant une cigarette, et souriant en homme parfaitement heureux, le prince Grigoriski.